En proie à une indéfinissable mélancolie, il vint s'asseoir près de la fontaine et bourra une pipe avec le tabac de Barbassou. Ce tabac était enveloppé dans un fragment du journal de Sémaphore. En le déployant, le nom de sa ville natale lui sauta aux yeux. On nous écrit de Tarascon. La ville est dans les transes, Tartarin. Le tueur de lions, parti pour chasser les grands félins en Afrique, n'a pas donné de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Qu'est devenu notre héroïque compatriote? On nous a peine se le demander, quand on a connu comme nous cette tête ardente, cette audace, ce besoin d'aventure. A-t-il été comme tant d'autres, englouti dans le sable? Ou bien est-il tombé, sous la dent meurtrière, d'un de ces monstres de l'Atlas dont il avait promis les peaux à la municipalité? Terrible incertitude. Pourtant, des marchands nègres, venus à la foire de Beaucaire, prétendent avoir rencontré en plein désert un Européen dont le signalement se rapportait au sien et qui s'est dirigé vers Tombouctou. Dieu nous garde, notre Tartarin. Quand il lut cela, le Tarasconnais rougit, pâlit, frissonna. Tout Tarascon lui apparut. Alors, de se voir là comme il était, lâchement accroupi sur sa natte, tandis qu'on le croyait en train de massacrer des fauves, Tartarin de Tarascon eut honte de lui-même et pleura. Tout à coup, le héros bondit. Au lion! Au lion! Tartarin et Sancho venaient d'expirer. Il ne restait plus que Tartarin qui chotte. Le temps d'inspecter son matériel, de s'armer, de se harnacher, de rechausser ses grandes bottes, d'écrire deux mots au prince pour lui confier Baïa, le temps de glisser sous l'enveloppe quelques billets bleus mouillés de larmes, et l'intrépide Tarasconnais roulait en diligence sur la route de Blida, laissant à la maison le turban, les babouches, toute la dreffoque musulmane de Sidi Tartri qui traînait piteusement sous les petits reflets blancs de la galerie. Tartarin descend alors vers le sud, dans une vieille diligence déportée de France, qui lui rappelle le bon temps où elle faisait le service de Tarascon à Nîmes et emmenait les chasseurs de casquettes du côté de Jonquière et de Bellegarde.